Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Et on a eu un petit problème technique et on sait pas à quoi c'est dû. Alors moi le logiciel a un peu bugué sur mon ordi, il a sauté et heureusement qu'on a eu des messages de nos auditeurs puisque nous parlions dans le vide. Voilà. Donc on est de retour, on va pouvoir nous faire notre chronique, nous sommes repartis de plus belle, plus déter. On a eu le temps de prendre un petit rail de coke sur le bord de la table de chevet et on est reparti. Voilà, on est reparti. Alors, comme je vous disais, nous allons tenter de nouvelles choses cette semaine et voilà, nous recevons du courrier des lecteurs, des lettres du confinement, hein, des genres de lettres du front, des lettres de gens qui subissent l'isolation. Donc voilà, cette lettre, nous l'avons reçue directement, elle est passée entre les mailles de la censure, c'est donc un témoignage sans concession que je vais vous livrer là. Nantes, jour 62. Cher bon con, la vie est dure en confinement. Je ne suis pas certain de sortir indemne de cette réclusion contrainte. Je sens déjà les séquelles irréversibles du trauma psychique lié à mon désœuvrement. C'est donc avec le cœur lourd que je me dois d'expier ces moments de doutes existentiels, profondes douleurs. Hier, j'ai nettoyé les plinthes de mon appartement. Je ne sais pas ce qui m'a pris, hein. En temps normal, j'aurais attendu mon état des lieux de sortie, mais voilà à quoi j'en suis réduit désormais. J'ai regardé le chat miauler à la mort pendant une bonne heure devant la porte du salon avant de lui ouvrir. 5 minutes plus tard, il miaulait de l'autre côté, ce gros bâtard. Il y a quelques jours, je faisais malencontreusement tomber un rouleau de papier toilette non entamé dans la cuvette. J'ai pleuré 10 minutes à genoux devant les toilettes. Il y a quelques jours, je me suis également surpris à dessiner un visage avec de l'arabiata sur un melon, hein, n'ayant pas de ballon de volée à disposition. Et ce matin, j'ai dû me résoudre à le manger. J'ai pleuré 10 minutes à genoux devant la cuisine. Il y a peu, j'ai décidé de braver le monde extérieur. Hein. Je me suis alors découvert, comme beaucoup d'entre nous en ces temps délicats, une passion pour le jogging. Après 300 mètres et une crise d'asthme, j'ai dû rebrousser chemin. Ah, cher bon con, si tu savais, j'ai tellement écumé Netflix que je me suis résolu à regarder la série de Gad Elmaleh. J'ai pleuré 10 minutes à genoux devant mon ordinateur. Mais je suis pessimiste, et je dois malgré tout tâcher de voir le positif de cette expérience douloureuse. Par exemple, je suis avec dévotion ma cure de sébum, hein. Je n'ai par ailleurs plus acheté d'huile d'olive depuis maintenant 2 semaines, et je peux confectionner mes propres bougies. Hein, sait-on jamais, au cas où l'électricité viendrait à manquer. Et alors, certains me disent, hein, on me répète que cela serait l'occasion de me recentrer sur moi-même, de passer plus de temps en ma compagnie. Maintenant, je comprends pourquoi mon ex m'a quitté, hein, quoi. Si seulement je pouvais en faire autant. Alors, j'ai naïvement cru pouvoir profiter de cette crise sanitaire afin de retrouver la quiétude devenue désuète dans nos villes, hein. Moi qui rêvais de calme, je n'ai jamais autant entendu mes voisins du dessus faire l'amour avec engouement et ceux du dessous gueuler sur leurs marmots intenables. Ah, cher bon con, je me languis des temps ensoleillés, des terrasses bondées, des vomis et pipis jonchant les trottoirs de mon quartier le dimanche matin. En attendant, je bois dans mon salon, en skypant quelques bons cons. Anonyme 2020. C'est très très émouvant. on psycho, somebody like that, and try to put on my makeup in the mirror and crash, crash, crash into a ditch. Just playing. She needs a golden calculator to divide the time it takes to look inside and realize that real guys go for real down to Mars, girl. Yeah, I know you like to bang, yo. Don't stay, but lean a little bit closer. See, roses really smell like boo boo boo. Yeah, roses really smell like boo. Body, but her attitude is potty. When I met her at a party, she was hardly acting naughty. I said, shawty, would you call me? She said, pardon me, are you balling? I said, darling, you sound like pausing. Oh, so you're one of them freaks. Get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been peaked. Dropping names, she's weak. Tricking off, this laws must take me for a geek. Quick way to eat, deep place to sleep. Rent a car for a week, trick for retreat. No, go on the raw sex, my ace test is flawless. Regardless, we don't wanna get involved with all them lawyers and judges, just to hold grudges in the courtroom. I wanna see your support, bro, and I support you. La radio des bons cons, la radio des bons cons finis, mais pas finaux. La radio des bons cons. Bonjour, bonjour, c'était Roses d'Outcast et on va tout de suite passer à l'éphéméride avec Chloé. Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 mars et quand j'ai voulu préparer mon éphéméride hier, je me suis un petit peu trompée, j'ai préparé celui du 24 mars. Donc bah, celui de demain sera fait, donc celui d'aujourd'hui va être un petit peu plus light. Hein. On va juste vous dire les deux trois petites choses qui sont arrivées en 23 mars. Alors déjà pour commencer, nous fêtons à tous les Didier une très bonne fête. Bonne fête les Didier, on pense particulièrement à notre DJ préféré, Didier Chorba. Qui en souhaite une très bonne fête. Oui, qui a été renommée par notre directrice des programmes, Didier Chambord. Voilà. Elle a les problèmes d'oreille, clairement. Non, mais c'est l'acculturation, je pense. C'est pour s'intégrer, ça passe mieux que Didier Chorba. Exactement. Nous souhaitons également un très, très, très joyeux anniversaire à madame, à la queen, Chantal Lobby. Voilà, c'est son anniversaire. On lui fait des gros bécos si elle nous écoute. C'est également l'anniversaire de Plantu. L'anniversaire de Judith Godrèche, que vous avez pu voir par exemple dans l'Auberge Espagnole. Est-ce que Plantu, il a un rapport avec le géant vert ou pas du tout? Et c'est également l'anniversaire de Pierre Palmade. Oh d'accord, oh bah d'accord, c'est Pierre Palmade. On arrive sur la fin d'émission, hein, vous nous en voudrez pas. Alors, 23 mars, c'est également, nous fêtons également l'anniversaire de la première édition des Liaisons Dangereuses. Alors, les Liaisons Dangereuses, moi, c'est un livre que j'aime particulièrement, c'est un de mes préférés. Et si vous n'êtes pas trop, trop lecture, je vous conseille le super film Les Liaisons Dangereuses, avec, entre autres, Glenn Close, Uma Thurman... John Malkovich, voilà, c'est un super film, je vous le conseille. Un super bouquin aussi, lisez-le. Et sinon, 23 mars 1998, grande date dans l'histoire du cinéma, puisque le film Titanic rafle tous les Oscars. Il repart avec 11 statuettes. Voilà, Titanic, peut-être l'occasion de le regarder encore une fois aujourd'hui, de voir Léo, de savoir s'il avait assez de planche ou non, assez de place ou non sur cette planche. Évidemment, évidemment qu'il y a eu de la place. Le débat, il n'y a pas de débat. Alors, Théro nous demande également, bon, l'horoscope, là, je dois faire un choix entre chaussettes hautes et chaussettes basses, et ça dépend de mon sigle astro du jour. Alors, je trouve que c'est vraiment une attitude de Capricorne de réagir comme ça, monsieur Théro. Donc, vous allez tout de suite vous calmer, baisser d'un ton. Et deuxièmement, vous faites ce que vous voulez. C'est la saison du bélier. Le bélier, c'est le jeu, c'est l'ego. Il faut vous affirmer. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie pour aujourd'hui? Des chaussettes hautes ou des chaussettes basses? C'est vous qui le savez. Au fond de vous, vous le savez. Alors, assumez vos choix. Faites-le et dites-nous quand ça sera fait si vous avez choisi chaussettes hautes ou chaussettes basses. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions? Nous avons un message de Maman Doug qui nous dit « Je suis impressionnée par tous ces bons cons Enco qui font tous référence à leurs chers parents. Je me sens aimée et fière de ma progéniture. » Eh ben, on les embrasse aussi très fort, les parents bons cons. Les bons cons font les bons amis. Alors, on s'est dit que nos parents aussi allaient forcément être copains. Et c'est le cas, ils s'entendent plutôt tous bien. Donc, c'est super bien d'avoir... un retour d'eux, c'est très sympa. Ah, Théro nous dit, vous aurez des plaintes de mes colocs, j'ai choisi de rester à poil. Mais faites, restez en contact avec la nature, avec votre vous profond, restez nu. C'est peut-être le temps est bon, le ciel est bleu. Non, pardon, c'est pas ça. Restez à poil, c'est très bien. On en est où sur votre éphémérine? Bah, l'éphéméride, c'est bon, vous en aurez un plus complet demain, puisque bah, du coup, je me suis trompé de jour. Là, je vous avoue que pour demain, spoiler alerte, on a l'anniversaire de Corneille. Donc là, sur la playlist, on a Seul au monde de Corneille. Ça me démange tellement de le mettre. Il y a un peu de frustration là de devoir le garder pour demain. J'étais hyper chaud. Avant de faire notre jeu concours et en antenne, on va passer un petit son. Écoute, ça fait quelques jours qu'on a ça sur la playlist, on sait pas quoi en foutre. The Shoes. Qui interprète Submarine featuring Blaine Harrison, qui est le chanteur de Mystery Jets. Mystery Jets, très bon groupe. Si vous n'avez pas écouté encore, je vous conseille l'album Curved of the Earth, qui est particulièrement agréable à écouter. From